Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que nous remplions la joie pour nous capables ensemble encore à soir. C'est toujours avec plaisir que nous rentrons la caillou. Et nous connaissons que vous disposez déjà, ou chita botabla, avec Zamon Laméon, Bibou Bokoteo. Et à soir, nous allons méditer sur un sujet extrêmement important. Hier soir, nous avons invité Jeunio à approcher et bon salon aujourd'hui à Chita Botabla. Parce que nous gagnons pour nous réfléchir ensemble sur ça qui intéresse nous généralement. Nous allons parler un petit peu d'amitié à soir. Et nous parlons gagner une série de types de mariages que nous sommes capables censé éviter parce que mariage ça yo nous parlons plus devant yo déjà annoncé problème. Donc il est préférable que nous éviter certains types de mariage que nous rendrions juste parce que nous obligés marier et avec réflexion à soya nous pral essayer éviter pour que nous pas ajouter dans statistique la pitale nos fin mariés. Notre Père, notre Dieu, nous tournons regardons vers vous à soya encore pour nous merci au parcours qu'on fait avec nous dans période ça. À soya nous praler soumettre que nous à l'influence de ton Esprit Saint. Nous remettre au dios dans la main, que ou capable toucher nous, parce que nous connaissons les paroles qu'on parle, c'est pour créer la vie en nous, pour délivrer nous de tout problème que nous gagnons sous terre, problème que nous-mêmes nous créons encore, problème que nous laissons arriver sous nous. Mais nous connaissons toi, tu es un Dieu d'amour. Ou gon GPS qui fait recalcul pour remettre nos sous rails et nous glorifier non au nom de Jésus. Amen. Comme nous annonçons, nous allons rentrer dans l'amitié à soya et nous avons commencé pour nous montrer qu'il y a plusieurs types d'amitié. Et le nous bien connaît certaines choses, nous éviter d'autres problèmes. Créole l'a dit, un homme averti en vaut deux. Ça, c'est bon créole l'a dit, ça va vrai. Donc, là où on est en série de bagailles, ou éviter une série de l'autre et tête chargée capable de venir pour. Malé averti, patouillé cocobé. C'est ça, bon Jean créole l'a quand elle a dit qu'on y a. Alors, l'amitié, c'est une relation que tout le monde est obligé de gagner. La race humaine pas capable de vivre sans l'amitié. Et Genèse chapitre 2, gagne une belle petite phrase que nous parlons de lui déjà, mais généralement nous parlons pour mariage, mais lui plus que pour mariage. Là. Lorsque l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous parlons que verset ça, li plus que mariage entre un garçon et une fille. Li beaucoup plus que ça. Et nous pral et ouais peut-être demain soir expression et devenir une seule chair là et nous pral ouais que voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair pas précisément aller dans le domaine sexuel. Parce que, nous venons avec ça demain, si Dieu veut, l'apprendre dans le sujet demain. Hein? Parce que nous parlons que David, il a parlé à plusieurs mondes, il dit, moi c'est zôme, c'est chair. Donc, il n'y a rien de connotation sexuelle là-dedans. Os de mes os et chair de ma chair, vous le dites tout simplement, nous sortons dans la même race. Nous avons la même structure, nous avons la même composition. Donc, nous c'est même noyé. En un mot, Adam disait que les joints qu'on y a, yon être humain, même genre avec elle. Maintenant, C'est pour ça, verset ça, nous capables d'étendre, même quand nous ne sommes pas mariés, même pas qu'à vivre pour comme. Nous obligés de gagner un autre monde pour vivre ensemble avec elle. Et l'amitié, c'est une relation qui est extrêmement importante pour la race humaine. Le moins quitter kay papa, pour m'aller à l'école, m'obliger des amis. Le quitter pays pour m'aller dans l'autre pays. Généralement, premier monde qui recevoir son ami. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous capables monter pour nous arriver dans un niveau d'amitié. Mais maintenant, quand on parle d'amitié, il faut que nous capables maintenant ouvrir les yeux nous pour nous prendre avec tout petit degré yo gen là-dedans yo. Jésus pral mande nous pour nous faire en pile vigilance, pour nous prudent. Donc dans sens ça, même dans niveau amitié, quoi qu'il est important, aucun monde pas vivre ça au moins pas un monde qu'on peut parler avec. Donc maintenant, il faut que nous fassions attention. Donc, là, nous parlons d'amitié, nous parlons d'une sorte de sympathie, donc, capable et sympathiser avec vous, gon camaraderie qui parle développer entre nous, gagner une sorte de bonté, de bienveillance qui parle développer en nous, et ça, faut que les réciproques, trois petits caractères, ça y est, pour créer, ça nous parle relayer une amitié. Maintenant, gain trois qualités amis. Trois types d'amitié. Première, c'est ça nous relais une amitié plaisante. Amitié plaisante là, li capable là entre camarades de l'école, entre camarades dans travail ou entre copains, entre même chorale, même unité dans l'église là dans classe écléoyon. Donc c'est un type d'amitié qui là seulement pour jouer ensemble. Un type d'amitié qu'il a juste pour le fun, pour le rire. Nous avons même règle, nous avons même équipe, même plan social, même groupe football. Donc nous développer une camaraderie juste pour le fun, juste pour nous amuser. Maintenant, pas gagner aucune base solide dans l'amitié ça, mais c'est juste pour le fun. Nous en vie ensemble de temps en temps, faire des petits fêtes ensemble, pour juste pour le plaisir. Mais plaisir là, son bagage qui change. Plus m'a grandi, type de plaisir me comprend pas même encore. Donc nous parlons que conseils amis que nous gagnons, plaisir que nous comprend avec l'âge nous vient pas prendre encore, l'amitié ça a crasé automatiquement. Donc sous plaisir a changé ou pas là encore, amitié ça a li pas là tout. Donc ça voulait dire qui ça? Lorsque mon amitié plaisante, juste pour le plaisir, m'pas qu'à baser amitié plaisante ça sous une relation qui pral durer. Cette amitié ne dure pas. Donc si moi vais dans période, li pas vinn nan kay moi encore, nous pas jouer football encore, li pas relim encore, m'pas besoin casser tête moins dit le trahir, non pas rien faire de trahison là, c'était une amitié plaisante juste pour le fun, pas gain fun encore, pas gain ami encore, qu'embé ça. Deuxième type d'amitié là, c'est ça nous relé une amitié utile. Moi je l'ai dit, ça je l'ai dit, li là juste pour yon intérêt, yon utilité. Nous l'école ensemble, m'a travail mathématique, m'bon en maths ou même m'bon en anglais. Donc nous pral développer une amitié. Ou m'a aidé dans maths là, ou aidé dans anglais. Moi boss ou boss, m'a aidé dans faire maçonnerie, ou aidé me venir faire porte dans caille là. Donc nous là nous capable développer une amitié. Donc nous capable et venir boire petit café nous ensemble, boire petit thé nous ensemble. Conseil de petit plaisir que nous capable prendre ensemble, venir garder un match ensemble. Donc mais maintenant, lorsque pas gagner raison d'être utilité ça. Fini l'école, m'ai pas besoin de travail mathématique là encore. Donc zanmi ça li campé là tout. Donc pendant que m'gon amitié utile avec yo monde, c'est pas le ça pour me baser des relations qui pral durer. C'est pas moment ça pour moi entrer dans des activités qui pral durer parce que bon amitié juste pour un temps, une amitié utile. Si arrivé à un certain temps, ta lame de gagner, m'a gratté d'eau, maintenant qu'on y a, m'a pas gratté d'eau encore, n'ont pas besoin. Ça, l'amitié est là fini. Donc maintenant, ou type d'amitié comme ça, si mon nan parle les encore, m'a pas gagné trahison là du tout. Parce que c'était une amitié utile. L'important pour que nous comprenions ça. Lorsque l'utilité n'est pas là encore, avec le temps, avec les intérêts qui changeaient, type d'amitié ça a tout, l'y changer. Donc, amitié utile là, ou amitié plaisante là, c'est juste pour un temps. Ce sont des amitiés accidentelles, des amitiés pour un intérêt quelconque, pas qu'à baser une relation durable sur tel genre d'amitié. Faut que nous identifions, yo. M'avait nos jeunes à soi, bah ouais. Mais dans le troisième, là, c'est ça, nous relève une amitié parfaite. Amitié parfaite, là, qu'on y est, hein. C'est là, moi, gagné nos amis. Zami, ça, quel que soit, et situation, hein, nous toujours bien. Parce que là, c'est pas pour intérêt nous t'es là, c'est pas juste pour le fun, mais c'est juste parce que là, nous c'est amis. Moi j'aime mes amis ça, moi j'aime parce que ces amis nous développer une amitié parfaite et cette amitié est durable. Cette même amitié lui reposait sur l'amour agapé de la Bible. C'est amitié ça que David développait avec Jonathan. Une amitié parfaite. Ou amitié qui voulait bien l'autre là. M'pas ouais intérêt la donne, mais m'voulait bien. 1 Corinthiens 13 verset 5 dit l'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Dans l'amitié parfaite. M'ba nan mariage la kounya, m'ba nan mariage avec madame la, nan zanmi tay sa. Amitié parfaite la, li repose tout sur l'amour agapé. Ce genre d'amitié, li repose tout sur l'amour de Dieu, l'amour parfait, et ça peut permettre que nous développer yon ak lot. Donc, pour raison ça, avant, moi, rentrer dans amitié durable avec quelqu'un, m'obliger qu'on ait principe l'amour agapé à tout. Parce que l'amitié parfaite là, c'est pas une amitié d'intérêt lié. Parce que si c'est une amitié d'intérêt, coup intérêt à parler encore l'a crasé. C'est ça pour nous essayer de comprendre pour moi qu'on y a. Donc, lorsque nous rentrons dans type d'amitié ça, là, nous parlons d'amitié parfaite qui reposait sous l'amour agapé. Maintenant, l'important, l'apôtre Paul pral dit, l'important pour moi, veiller à qui moun m'apprendre dans un mitai parfait ça. Parce que la gen influence sous moi, et moi m'a gagné influence sous lui. Parce que dans la vie, hein, tout ça me fait, tout ça me dit, c'est une semence liée. Donc, on va le semer dans la vie, mon ça, zamim ça, et tout le va le semer dans la vie. Donc, l'important pour me veiller, qui type de monde que m'va le gagner comme zami, pour que m'pas planter ou faire pousser dans le cœur du livret. 2 Timothée chapitre 2 verset 22 dit, aussi, choisissez vos amis avec sagesse. Soyez en communion avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Soyez exposés à leur amour et à leur paix. Que leur foi vienne sur vous. Remarquez, jeunes gens, tenez bien. Bible a gagné tout ça qui concernait la vie, nous la donne. Amitié et relation d'amitié, Bible a connu tout. Donc c'est pour raison ça texte la dîme là, choisissez vos amis avec sagesse. Soyez en communion avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. M'pa prend n'importe qui moun pour zami. M'reme tout moun, même pas kabi ak tout moun. Pa me prendre ça me dit. dwe remè tout moun. Mèm pa ka zanmi tout moun. Bon, mwen pran sa nan. Mwen dwe remè tout moun. Remè mèm mes ennemis, c'est ce que texte la dit. Aimez vos ennemis. Je peux aimer tout le monde. Mèm pa ka zanmi tout moun. Choisissez vos amis avec sagesse. Nou konn pou ki rezon. Yon zanmi atteint kèm. Yon zanmi gen influence sou kèm. Se yon nan rezon ki fè, telefòn nan fòk nou veye ki moun kap pale avèk nou. Paske moun kap pale avèk nou konstanman atteint kèm nou. C'est pour raison ça que fait bon Dieu intéressé à moun ko gagne comme zanmi ou parce que moun sa yo influencé cœur et qui dit influencé cœur dit tout influencé action parce que lorsque bagay la rempli dans cœur naturellement action posée depuis m'gen cœur a déjà m'ap gen main en tout m'ap gen pied à tout et m'ap gen tout reste corps à tout c'est cœur a pour nous veiller. Donc le m'ap met téléphone nan dans oreille moi m'ap tande ça c'est sous kèm y ap travay, se chemin kèy a sa. Se zyem, se zorey mwen, pou l'atteinte kèy a. Se pou sa, tekst la dim, choisisse vos amis avec sagesse. Soyez en communion avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Pas n'importe qui bon. Sa pa vle di, parce que l'église la, l'oblige bien avèm, kon sa, non. Li gèdwa l'église la, men li pa ap servir l'Éternel d'un cœur pur, n'est pas en communion avec d'un cœur pur, alors texte la dit déjà éviter ça. Alors on va avancer parce que tout autant que me laisser moi aller par la chair parce que ça la chair là. La chair là, li là lui-même pour faire exactement ça il exposé bal tout temps. On va prendre ça. Le nom dit la chair là, ça la chair là yé. La chair là, il là lui-même pour faire exactement ça ou exposer là. Ou mettre Géo devant télévision. Hein. La chair là, c'est ça l'ouais, c'est ça le fait. Maintenant, ou mettre le jeudi, ou mettre le demain, ou mettre l'après-demain, c'est retour ouais. Chaque couleur va arriver. Géo ni pap les ponts, les traînons, ni mettre chita devant télévision. Hein. La chair là a fait son exposé là. Ou alors manger n'importe qui bagaille, manger junk food, manger n'importe qui bagaille. La chair a habitué à ça, li remet ça. Kounya a ça qu'on a fait. Li pap li met main en main ou li traînon al nan restaurant tout temps, même quand on pas envie aller, li traînon aller. C'est dans sens ça moun yo vinn drogué ya. Parce que la chair qui ça le fait, il fait exactement ça où t'es exposé là. Leur balion ou habitude, les kembe habitude ça, il vient domino avec. Donc dans ce sens ça, le n'a choisi amitié nous veiller. Bon texte me parle là avec nous. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. 1 Corinthiens 15 33 dit ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompre les bonnes mœurs. C'est le Saint-Esprit qui a parlé là, il dit attention. Moi pas la jeune moi yo. Quand pile jeune qui a dit oui mais moi je me connais, je suis fort. Oui, OK, je ne dis pas que vous n'êtes pas fort. Mais le Saint-Esprit dit pas tromper tête. Ne vous y trompez pas. Pas bailler tête ou mentir. Parce que la chair là qui ça le fait, lui fait exactement ça ou exposer la lia. Ou chita ou regarder film pornographique dans télévision, sur internet. La chair là lui-même, lui fait ça ou exposer la lia, c'est lui le prend comme habitude, lui kembo la donne. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompre les bonnes mœurs. Même quand tu t'es fait l'église, ou t'es timoun pasteur tel, ou t'es timoun diacre tel, timoun ancien tel, mais pour pitou dans l'église, là, ou dans le choral, ce sont des bonnes mœurs. Mais des mauvaises compagnies, à corrompre bonnes habitudes, ça, qu'on t'a gagné, là. Nous parlons déjà de papa, ça, qui est petit, là, je me souviens, bah, non, et t'expérience, ça, déjà, sur ici, là, papa gè petit moun yo gè principe li nan kay li, il dit ici a moun pa aller nan cinéma. Tout petit moun levé comme ça depuis au petit, mais jusqu'à ce gon le gon film qui sorti. Et tout moun wè film nan ti moun yo wè c'est seul yo nan classe la pa wè film la. Le tout moun vin a parler de film nan yo même yo pa kan sa pou yo di tout. Bon finalement yo di fòn al di papa nou, fòn al wè film ça parce que son bon ti film liye. Pa aucun mauvais bagay la dan, son bon film. Papa di yo mais OK, demain m'a ba nou réponse. Le ti moun yo attend demain donc le demain les demain arrivé. Yo rive pou di papa, pou di papa ba nou réponse là. Nou anvi aller. Papa di OK, nou pral aller, mais avant d'aller nou pral manger un ti bagay avèm. Mon papa konn préparer des petits brownies au chocolat. Papa di bon, et m'pral m'fè des brownies là jodi a, vinn manger ensemble avèm avant ba nou réponse là. Et tant on pral mettre dans bouche papa dit attention attention faut me dire nous ça avant nous manger moi mette yon petit cal bagay dans pâte là son vieux petit bagay ou comprendre mais avant nous manger faut me dire nous ça parce que li pas en pile là c'est un ti bagay qui ça papi on tout petit oui un petit cal caca chien mettez-le dans pâte là. Immédiatement, tout le monde voyait tout les chocolats, tout brownies jetés. Pour quelle raison? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je ne jamais pour quelle raison? La Bible d'où pas fréquenter tout le monde. C'est pas parce que vous parlez de fun. C'est pas parce que vous parlez de plaisir. C'est parce que vous voulez contrôler. Parce que 1 Corinthiens 15, 33 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Alors, je vais vous dire quelque chose ici ce soir. Nous-mêmes, quand vous êtes sous ligne, là, je m'adresse à mes jeunes. Je vais vous donner un cadeau pour nos jeunes gens, jeunes filles. Mes cadeaux, là. Notez-le quelque part. Toujours songez ces cadeaux, ça va vous donner pour nous. Si vous voulez l'extraordinaire, faites l'exceptionnel. Mes cadeaux, là. Si vous voulez l'extraordinaire, faites l'exceptionnel. Maman, notez tes phrases en côté. De temps en temps, rappelez-tu petit tout à ça pour moi. Si vous voulez l'extraordinaire, faites l'exceptionnel. Ça vous l'a dit qui ça? Sous besoin vivre une vie qui est extraordinaire. Faut vivre de façon exceptionnelle. Ça veut dire, il y a une exception pour faire dans la vie. Pas dire tout le monde sur un seul pied ou obligé sur un seul pied tout ou pas faire exception. Pas dire tout le monde à boire ta fiam obligé boire tout ou pas faire exception. Pas dit tout le monde à l'âme obligé à aller tout ou pas faire exception. Donc puisqu'on pas fait l'exceptionnel ou pas gagner l'extraordinaire. Donc nous changer bagaille la soya. Jeunes gens, m'a pas la jeune garçon yo connia. Ou besoin extraordinaire. Alors gon série de attitudes pour gagner, ou série de restrictions pour gagner. Gon série de exception à la règle pour gagner. Pas dit moins tout le monde fait, vous n'êtes pas tout le monde. Bon Dieu font façon pour que li pas fort tout le monde, ni fort ou même pourquoi. Li fait en façon pour que ou gon empreinte nan men. Pas gen yon lot moun sou planète la gen même empreinte ça, c'est seul ou gagnel. C'est ça qui montrait que nous créés à l'image de Dieu. Dieu est unique. Donc, pas gagner deux mondes qui semblent à bon Dieu. Dieu est unique. Donc, il crée nous chaque pour que nous chaque nous uniques en notre genre. C'est l'identité bon Dieu à ça qui n'en doit être nous là. Emprunte nous. Donc, si ouais, tout le monde a fait un bagage, c'est pas parce que tout le monde fait qu'on est obligé de faire. Tout le monde est capable dans l'erreur. Je prends un exemple clair avec nous. Du temps de Noé, tout le monde a fait ça pas bon. Tout le monde. Mais mon autre bagaille pour nous pas oublier tout. Tout le monde mourit tout. Tout le monde perdit tout. Donc Noé fait exception, Noé sauvé. Si vous voulez l'extraordinaire, faites l'exceptionnel. Gardez ça dans que nous soyons pour moi, jeunes gens, jeunes filles. Le frère, je dis, mais pour qui on apprend là? Pour exceptionnel. Alors, c'est exactement ça. Exceptionnel. Parce que je suis créé à l'image de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je suis ambassadeur du royaume de Dieu. Je fais l'exception. Je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas n'importe qui. Pour avoir cette vie exceptionnelle, jeune fille, jeune gens, faites cette vie extraordinaire. Faites l'exceptionnel. Ou pas carrer les amis. Ou monde cap incito à faire ça pas bon juste pour le fun. Ou pas carrer les amis. Moun kap incito à le boire ta fia, à le ponti bien. Moun kap incito à le fumer cigarette. En pile jeune nou yo qui t'es l'église là, il a tombé dans fumer pour qui raison? Parce que t'as gagné un autre jeune qui l'église là tout. Qui dit là, ah, c'est pas rien, c'est juste une petite fête. Donc juste font nuage pour voir comment ça y est. Et comme ça, la chair, pas oublier ça, la chair, lui fait ça ou exposer la lia. Ou bien un petit plaisir la donne, la chair prend plaisir, lui nourrit plaisir, et puis d'où retourner encore, retourner encore. Ou par rapport pour aux amis, ou moun, kap menti pour ou. Bon, moi prenne ça. Jeune gens, jeune fille, ou moun kap menti pour ou, pas en mion. Parce que l'ami aime en tout temps. Moun nan kap menti pour ou, a, son mauvais bagay ou fait. Mais l'albay menti pour ou, l'al pense c'est parce que les amours, mais non, en réalité, son cadeau empoisonné. C'est pas un mion lié. L'ami aime en tout temps. Et l'ami dit la vérité. Dis ami, hein, son fait pas bon. M'a prêté bien avant. Ses amis mouillés. Mais son fait pas bon. Si ça a des conséquences, nous parlons quand même devant papa, devant maman, nous parlons ensemble. Mais m'a pas caché pour vous. Mais m'a pas lâché ou parce qu'on fait mauvais bagay ça. Mais l'ami, son ami ou lié. Zami, hein, quel que soit côté ou tombé, hein, li edo li ensemble avant. Mais si, ou joigne un monde qui décide pour le vin menti pour ou, c'est pas ami ou lié. Faut que nous comprenions ça. L'ami, cautionner le mal n'est pas un signe d'amitié. La complaisance dans le plaisir n'a rien à voir avec le souci de voir le bien pour l'autre. Fais en pile attention avec ceci, jeunes gens, jeunes filles. Si vous voulez l'exceptionnel, si vous voulez vivre l'extraordinaire, faites l'exceptionnel. Donc, dans ce type d'amitié, il y a le respect. Oh, en fait, de dîme, en ami, tout est permis. Écoutez ça pour moi. En ami, tout est permis, c'est menti. Menti. Il y a quelque chose qui ne sort jamais dans l'amitié, c'est le respect. Le respect, ça pas jamais sorti la donne. Respect de ma vie privée, respect de mon identité. Parce que si mon ami tout est permis, ou vina ka mon pa vina boss d'homme, pas bon boss d'homme, donc un ami tout n'est pas permis. Donc l'heure où un ami tout est permis, hein, c'est toujours derrière un intérêt quelconque, son cadeau empoisonné. Faites attention, soyez prudent, dit la parole. Soyez prudent, soyez vigilant. Non, tout n'est pas permis en ami. L'amitié est respectueuse. Gain limite pour y aller dans l'amitié. Si vous dépassez bonnement ou dépassez type d'amitié, donc il faut être très vigilant. Écoutez ceci. En pile fois, n'a suivi exemple monde là. Jeunes gens, à ce moment-là, m'a parlé avec eux. Des jeunes de l'église. Des jeunes du royaume de Dieu. Des jeunes qui confessaient déjà à bouche que Jésus est leur Seigneur, c'est-à-dire leur propriétaire, leur maître. Ça veut dire tout, qu'ils rentraient dans le royaume de Dieu, Et en tant que jeunes du royaume, nous gagnons un tempérament, une conduite, un comportement qui est différent de tout l'autre jeune. Alors, attendez bien ça pour moi. Texte là dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais verset ça, il dit, yon bagaille, demain soir, nous allons étudier verset ça ensemble. Mais en pile fois, l'homme quitte son père et sa mère, yon prend mon premier bout de ça dans le monde là pour dire, bon, jeune garçon, hein, depuis le rive non l'âge, li ka quitté la kaili pour aller faire chambre jeune garçon. En fonte chita là. Avant d'aller, on lit Proverbe avec. Proverbe 22, verset 28 dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Proverbe 22, verset 28. Ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Hier soir, on t'a parlé de honorer le papa, honore ton père et ta mère. Papa conseille de bonne, on sait de limite les placer. Pas déplacer bonne ça yo. Pas déplacer limite ça yo. Lévitique 18 verset 3 dit, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Pas dim que tout le monde son seul pied ou obligé son seul pied tout. Non, texte l'a dit, malgré que y a fait mauvais bagay sa yo, mais ou même ou pas fait yo tout, pas oublier image poisson. Poisson en dans la mer. La mer, c'est là où prend sel. Sous sel là, c'est la mer. La mer salée. Mais poisson qui vit en dans la mer, pas gain sel. Donc, si c'est parce que l'environnement n'est pas bon que fait comme ça, poisson Abdou et moi-même, qui dans la mer, comment me fait pas gagner sel? Et si besoin de manger poisson, il faut retirer dans la mer, il faut tuer. Mais l'autre tuer, c'est là ça pour ajouter sel là-dedans pour qu'on mange. Mais tout le temps, vivant dans la mer, il pas gagner sel. C'est pas parce que nous environnement corrompu que nous obligé corrompu tout. Pour le texte l'a dit, vous ne ferez pas ce qui se fait dans ce pays. Vous ne ferez pas, vous ne suivez pas leurs usages. Alors, jeunes gens, le texte dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, jeune garçon, c'est pas juste quitter caille papa pour aller acheter, pour aller long chambre parce que qu'on y a bon, m'a travail, m'a font petit job, n'a vinn tout ça, m'a font petit job, donc, m'a louer chambre caille, moi. Automatiquement, well, ou déplacer bonne, là, et le, à partir de ce moment, ou pense au guet un grand monde sans, ou pour au grand monde, non, vrai. Et le ça, ou mettez porte ouverte pour n'importe libertinage. C'est pas ça, texte a dit, nous, là. Si vous voulez, l'extraordinaire, je m'adresse à mes jeunes hommes maintenant. Jeunes hommes, faites l'exceptionnel. Pendant que vous êtes chez votre papa, c'est le moment pour étudier, c'est le moment pour former, c'est le moment pour instruire. Bon Dieu, mettez yon bagay nan ou, c'est ça que vous prenez le travail là. C'est le moment pour découvrir talent, découvrir don. Et qu'on y a travail pour venir rendre parfait. Découvrir, développer, polir. Tout autant papa d'où m'a payé l'école là pour à l'école. C'est de petits jeunes, nous qu'on y a bon que facilement qu'on y a nous dit non pas à l'école encore pour nous faire un petit job, faut nous faire l'argent. Nous pas obligé faire l'argent. L'argent c'est un bagage qui a vu naturellement l'or gagner une richesse là même. Pour me prendre ça me dire. En pile fois, mon a couru pour l'argent mais l'argent n'est pas la richesse. Richesse là a créé l'argent. Richesse là, l'argent lui-même il est là pour faire richesse là couler. L'argent c'est une monnaie d'échange. Mais faut gagner richesse là. Si mon pays qui pas gagné réserve pays ça même quand il mettait toute feuille et billet de yo billet pas gain valeur c'est pas billet à qui l'argent mais c'est réserve c'est ça qui gain source là c'est ça que l'argent c'est ça que richesse là la. Donc là où on moun wal tout yon moun pou pran l'argent, ou pa fè rien, au contraire, ou détruit. Ou détruit vie moun sa ki se richesse là. Là la banque parce que c'est un directeur l'école, c'est un directeur ceci. Li wal prend comme li te gen la main là. Mais ou détruit richesse là. Parce que comme comprend ou pa ka fè rien avec d'accord. Ou pa oublier cacher pour utiliser ou pa vivre ou pa jouir vraiment. C'est pas l'argent qui richesse là. Alors ne déplacez pas les bonnes. Par rapport à payer l'école là pour vous, jeunes gens, rete l'école. Allez, poursuivez l'étude là. Développez talent, mon Dieu, bon là. Allez là-dedans. Faites un spécialiste dans le domaine. Il y a trois personnes qui, c'est n'importe ou pas n'importe qui, bon. Allez, faites ça, mon Dieu, mettez dans le cœur là. Ceux qui sont, qui se confient au Seigneur, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ou créez déjà pour yon bagay. Cherchez-le. Dans prière, ça vous demande Saint-Esprit, montrez-moi. Et l'homme besoin marié, songez ça. Faut ou déjà connaît pour qui sort sous terre. L'homme déjà connaît pour qui sort sous terre. N'importe mon abdou, m'pral la voix. Mais sous par contre, qu'on peut aller. Alors, m'a dit jeune fille, Mironia, l'homme jeune garçon vindou, je t'aime. Ça ne veut rien dire. Je t'aime, non, pas vrai dit, en rien. Mandel, qui route ou, qui côté ou pralé? Qui direction dans la vie? Parce que s'il n'y a aucune direction, et ou pral soumettre ou ali, donc le ça ou pral tout sans direction. Et problème pral commencer à mettre en dakaï là. Donc avant d'aller d'où je t'aime, dit où est-ce que tu vas? Quelle est ta mission sur la terre? Parce que moi pral soumettre moi à où me faut mon mission. Je vais me soumettre à quoi? Où est-ce que tu vas? Si vous voulez l'extraordinaire, faites l'exceptionnel. Alors, mes filles, écoutez ceci. Il y a plus de jeunes garçons qui a loué chamkayo. Mais il y a une de jeunes filles qui vient louer chamkayo tout. Pourquoi? Parce que depuis, il y a 18 ans. Jour pour jour, 18 ans, nous quitter Kailan à louer chambre Kailan par nous. On fait une petite campagne ensemble avec nous. Parce que j'assois, on dit nous, on a réfléchi ensemble. Nous n'allons pas occuper l'œil à tout, non, assois, hein. On a réfléchi. Gardez pour nous, la Bible me dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Verset ça, généralement, nous prenons verset ça pour nous dire, fille a fait pour le gros mot sous toile, sous tête li. Ça va vous dire rien. C'est pas ça du tout. M'ba retire toile là sous tête ou sous gain déjà. M'ba rentrer dans le niveau doctrine navo. Mais verset a pas parlé de mot sous toile là du tout. Ça, les voiles là, c'est une marque de l'autorité. Le grec, c'est katakalupto, qui voulait dire en conformité à, en harmonie à, du point de vue de. Kalouptoa, c'est couvrir. Donc, c'est ça qui fait nous le voile. Alors, pour nous couvrir la voile, nous avons besoin de voile là. Mais c'est pas ça du tout. Autorité, c'est exocia. Ça veut dire qui ça? Nous avons étudié déjà que l'homme est le chef de la femme. Et l'homme est amen, amen qui veut dire certifié, ratifié. Un ange, avant de rentrer, bouche li dans yon décision que vous prenez, yon bagay que vous fait, premier ça regarde, li regarde sous qui autorité ou yé. À cause des anges, la femme doit toujours avoir la marque de son autorité. Une femme est toujours sous l'autorité, soit de son père, soit de son mari. C'est pour raison ça que fait. Lors où un mariage après le fait, où un papa jeune fille a marché avec elle dans mi-temps sale là, parce que c'est lui-même qui gagne autorité. La fille est voilée, voilà, c'est papa. Jusqu'à ce que dans mi-temps sale là, un bel jeune garçon qui apparaît bien costumé et là arrivé bon côté ça pas parfait li retire men pal nan men ti bitit la et le déposer sous men jeune garçon ça le dit en réalité là li dit li moi remet tout petit ça kounya li sous c'est ou même qui voit li donc zange automatiquement pour quelque soit décision on va le prendre pour vous yo garder yo ouais est-ce que ou sous autorité Mario Mario conseil de décision ou conseil de décision vous les prendre est-ce que Mario avait est-ce que aman bon certification que ou ka aller dans sens ça c'est dans sens ça texte là dit la femme doit toujours avoir la marque de son autorité donc même qu'ils sont jeunes filles même son jeune fille décide quitter kay papa maman pour mal louer chambre kay moi question m'a pose au kounia sous qui autorité y est là bon me fait un bon bagaille en dehors des fois nous quand en dehors kounia pour venir étudier dans la ville papa nous déplacer avec nous il vient mettre nous kay ou moun yo fami nous ou bien dans des cas papa nous personnellement vient louer une chambre, il fait nous confiance, il y a plusieurs sœurs ensemble, frères et sœurs, il vient il loue chambre là, il mettait nous la donne. Ça veut dire qui ça? Nous toujours sous couverture papa même quand physiquement il pas là parce que il vient il déposer nous là. Nous garantit de toute protection des anges parce que nous sous une autorité. Mais là, nous décidons personnellement de sortir, nous pas couvrir, nous pas gagner voile. Oh, balavo à soya, ma fille. Ça se fait dans le pays, mais c'est pas parce que ça se fait dans le pays que vous obligez faire le tout. Vous ne suivrez point leurs exemples. Vous restez vous-même dans ce que la parole dit. Donc, jeunes gens, jeunes filles, l'on parle commençons mariage. Pas commencer mariage ou avec un monde qui hors la loi. Hors la loi veut dire exactement hors la loi. La loi, c'est la parole de Dieu. Songez ça, restez dans limite la loi. Maintenant, nous parlons rapidement parce que le accouille avec nous à souhait. Nous tellement de paroles pour nous dire, le a couru avec nous à soya. Malachie 3, 18 dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Proverbe 24, verset 27. Verset ça m'vle baili à tout jeune garçon qui souligne à soya. Mes frères, voilà votre cadeau. Ça, c'est pour vous, jeunes garçons, seulement. Proverbe 24, verset 27. Texte ça dit. N'envisage de bâtir une maison qu'après avoir terminé tes travaux au dehors et préparé tes champs pour la récolte. Waouh! Garçon, ça va mieux à soya. Parce que pas oublier, garçon, c'est lui-même qui fondation yon kay. Texte la dit, n'envisage de bâtir une maison qu'après avoir terminé tes travaux au dehors et préparé tes champs pour la récolte. Bon, mais c'est lui dans l'autre version. Dans l'autre version, moi, il dit, termine d'abord ton travail dehors. Prépare tes champs pour la récolte. Ensuite, tu pourras fonder une famille. Bible n'a pas capi clair avec nous que ça. Termine d'abord ton travail au dehors. Jeune garçon, tu as un travail. Travail là, ce n'est pas job là. Songez ça. Travail où? C'est pour qu'il soit venu sous terre. Bon Dieu mettait yon talent en haut, yon don en haut pour développer. Et lors développer talent ça, ou préparer terrain pour la récolte. Parce que m'a dit un bagay. Quel que soit côté pied Kenep laye, yo sauti à chercher Kenep. Quel que soit côté pied pomme naye, yo sauti, yo loué camion pour y aller chercher. Ou pas jamais un pied pomme dans market. Mais c'est camion qui sauti qu'à le déplacer à chercher pomme yo. Donc là ou même ou chita ou développer talent, quel que soit côté yé, y a joint nous. Jeune fille, quel que soit côté yé, l'on développer ça, bon Dieu, mettez dans où. Pas besoin. Attendez non. Jeune garçon, pas remet, mettez, pas pour jeune demoiselle, pour remet avec, mettez le non étagette en nous. Pas fond bagaille comme ça. Pas fond bagaille comme ça. N'envisage pas de bâtir une maison qu'après avoir terminé au dehors et préparé tes champs pour la récolte. Termine d'abord ton travail dehors. Prépare tes champs pour la récolte. Ensuite, tu pourras fonder une famille. Assoya, quel que soit tes jeunes garçons, qui n'en secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 5, qui n'en remet, en soi, avec ça, craser tout remet ça, yo. M'craser tout. Et si yon dou, a pas parlé de mon code, dis-lui, Proverbe 24, verset 27. Mais côté pour passer, à soi, mais route pour passer. Cette façon-là, a pas parlé de mon code, Proverbe 24, verset 27. Ça le dit, à l'île. Proverbe 24, verset 27. Termine d'abord ton travail dehors. Dehors, c'est là où à l'école. Dehors, c'est l'université. Dehors, c'est cégep. Termine d'abord ton travail dehors. Prépare tes champs pour la récolte. Ensuite, tu pourras fonder une famille. C'est important. Parce que Proverbe 20, verset 25 dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Pas tomber dans piège ça encore. Restez près de 5 minutes seulement là pour nous t'as fini. Maintenant, gagnez des types de mariage. Moi, dis-nous, vous avez le type de mariage pour nous faire attention, pour ne pas rentrer là-dedans. Yo. Et demain soir, on va entrer dans plus de détails, mais on va aller rapidement pour nous, au moins, et noter quelques types de mariage, ça, yo, pour ne pas courir tomber là-dedans. C'est ça, nous relève des cadeaux empoisonnés. Faites attention aux cadeaux empoisonnés du monde. Parce que, tendez bien, dans le marketing, il dit, ça fait, mon André, dans ma maquette là, c'est pas ça qui est important. Mais ça qui est important, c'est avec qui ça l'a sauté. Oh, ben, on va prendre ça. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui fait entrer le client dans la boutique. Mais ce avec quoi il sort. C'est pas ça que fait mon rentrer qui est important. Mais c'est là le rentrer parce que lui rentrer, juste parce que là il ouais et sandwich là il bon 2 pour 1 pour 1 dollar seulement, lui rentrer. Mais là le rentrer pour le sandwich là pour 1 dollar, elle gagner lui ouais qu'elle a dépensé 12 dollars. C'est pas ça que fait mon rentrer qui est important, mais c'est à qui ça le sorti. Donc c'est pour raison ça qui fait faut que nous poser tout jalon yo. Nous on pas vraiment rentrer dans le sujet à soir parce que à 4 minutes là et alors en on juste prend quelques petits bagages, on pose les fondements. Dans relation que nous gagnons, dans amitié que nous gagnons l'église là, dans le club JIO. Toute relation que nous gagnons, nous poser des jalons, nous poser des fondements parce que tout ça n'a posé. C'est des matériels que nous pourrons mettre. Bon, dis-nous ça. Bon, tournons un petit mot. Bon, tournons côté avec nous là. Bon, dis-nous bagay. Dans la Bible, soyons pas l'autre petit problème avec nous là. Dans la Bible, pas gain tiremè. Tiremè, hein, pas sorti dans la Bible. Côté sorti. Tiremè, sorti Hollywood. Sortir avec, ça nous est en anglais, dating là, il pas dans la Bible pas rien dating. Qui ça la Bible dit sous ça en rien parce que la Bible pas rien dating. Nous pas comprendre ça puis devant. Oh, tellement que vrai pour nous comprendre. La Bible c'est des parents qui fait connexion pour mariage là. Oh bon, dis donc bagay. Demain, si Dieu veut, me t'en souhaiter me retourner avec Texas pour montrer nous dans le mariage de Rebecca et d'Isaac. C'est lui-même qui modèle là, qui type là. Il a toujours voulu faire nous comprendre que dans la Bible, les mariages étaient forcés. C'est faux. F majuscule AUX, faux. Les mariages dans l'Ancien Testament n'étaient pas forcés. Mariage, parents yo te tenu compte pour yo veiller côté timoun yo pral rentrer. Parce que l'homme pral marier avant maya toute famille. Gen sa nou rele alliance. Le n'entre nan mariage, nou entre dans une alliance. Tout sa k nan famille sa, et tout sa k nan l'autre la, yo oblige vin partage yo. C'est ça qui passe dans le cas d'Akab et de Josaphat. Tout ça, Josaphat a fait ses bons bagages pour l'Éternel dans le bout de ça. Mais Akab dans l'autre bout de là fait tout mauvais bagages. Jézabel, madame Akab, pas qu'à rentrer dans la période pour le venir attaquer Josaphat. Sauf ça qui passe. Akab, il y a une petite avec Jézabel, qui est Atali. Atalia, Atali. Et Josaphat, un petit garçon. Hey! Petit Josaphat, va le marier à petite Jézabel. Kounyea, yo vin gon alliance entre yo. Et la Bible a précisé, yo fait alliance par mariage. Mais ça, c'est testament toujours à veiller. Pas fait alliance avec n'importe qui famille, parce que l'on marié avec Timoun, nan, ou marié à toute famille en tout. Première fois, yon papa bay yon jeune dans la Bible autorisation pour lui-même li sorti à chercher madame Pal. Bien que déjà dit mais côté pour aller prendre lance déjà, oui, mais li bal au moins chance pour aller chercher le poukol. L'homme se tourner à quatre. Deux sœurs, deux bonnes. Il y en a quatre. On parlait de Jacob, pas vrai? Donc, des things là, dans la Bible, pas gain ça. C'est Hollywood qui vient avec Tiremeya. Avec belle histoire Cendrillon, belle histoire la belle et la bête, histoire Pocahontas, donc toujours un prince charmant, toujours un belle princesse Naptan, et automatiquement, principe sortir avec la vie n'est allé. Ben, il n'y a pas dans la Bible. Et maintenant, le principe ça a vu installé, il y a une dégénérescence au fur et à mesure qui fait que tout bon bagay yo parti et qu'on y a le nourrit ensemble tout le temps, ça pour nous fait. Nous parlons comprendre que dans l'Ancien Testament, moi aussi n'arrêter à image ça en soi, dans l'Ancien Testament, mariage là commençait en bas montagne là. C'est en bas, au pied de la montagne que mariage là commençait. Maintenant, tant aujourd'hui, hein, mariage là commençait sous tête montagne là. Côté nuance dans il là. Rebecca et Isaac rencontré en Bamon. Et là, yo prend engagement pour yo monter monnan ensemble. Pour yo développer ensemble. Connait une série de bagay ensemble. Yo commencé connait une série de bagay ensemble. Premier tiboa li fait le yo déjà marié. Donc yo commencé en bas montagne là. Jodi a nous commencer mariage là en lait. Donc l'on commencer mariage là en lait. Vin pa gen aucun bagage encore pour explorer dans mariage là. Automatiquement camper en lait n'a garde en bas, chaque monde déjà compte toute expérience pa ou finalement mariage là vin dans langue ici yo dit li plate. Parce que nous déjà gravi toute montagne là et en l'air c'est là de rencontrer de faire bel mariage là mais pas gain aucun challenge encore. Ça va do rien là, ça va étonner si me do conseil de mariage qui pas obligé, pas besoin à le faire lune de miel encore, il pas aucune valeur encore. Lors déjà gravi montagne là ou sous tête montagne là, pas gain challenge encore pour monter. Et puis ça me dit quelque bagaille là soir oui. Alors Welik nous ça serait et un jour mais tellement gain bagaille pour nous taouer ensemble. Nous par contre nous pas gérer ça, mais on aurait été là soir. Mais bon faire jeune moi songer ça. Jeunes gens. L'important pour nous dire non au cadeau empoisonné du monde. Si nous voulons avoir un mariage heureux et paisible, faut que nous prenions attention à ça n'a fondé mariage là. Majorité tirer main nous fait aujourd'hui. C'est ça qui occasionné divorce. Va vous prendre ça. Majorité remen nou gen jodi a dating yo c'est Pierre n'a posé pour divorce non parce que qui gentil remen ça au fait qui principe yo rien principe nous fait pour nous chercher garçon chercher fille outil nous utiliser pour nous chercher là outil ça a biaisé à la racine maintenant si ça marchait m'a prêt avec jeune ça si ça va marcher ça m'a fait m'quitter m'fait ça avec un premier m'fait ça avec un deuxième parce que m'a cherché nous sorti avec elle nous sorti nous regarder nous sorti ça va marcher nous quitter nous sorti en troisième ça bon ça va aller ça paraît mieux ça marcher mais ça va marcher encore nous quitter par contre ça m'a passé là nous habitué nous à ça marche nous rete, ça pas marcher nous quitter. Ça marche nous rete, ça pas marcher nous quitter. Et puis bon, ça marche. Il fait plus jour. OK, il y a plusieurs années bon, ça marche tical, nous marier. Et puis bon, nous fin marier. Nous étions massio et puis problème d'arriver, ça pas marcher encore. Down diou, depuis ça pas marcher ou quitter. Donc tirer main ça yo, yo préparer divorce ou à son parent nous compte de ça. C'est pour ça, pi gros cadeau qu'on capable bailler dans mariage ou qu'on bailler au monde dans mariage ou mari ou madame ou c'est ou même. Le plus grand prix que tu peux payer pour ton mariage, c'est toi-même. Donc ça veut dire quoi? Garde ta valeur. Garde ta valeur. Je parle à mes jeunes garçons ce soir. Jeunes garçons, ça va, on m'a parlé à soi. Pas offrir une jeune demoiselle n'importe bagaille. Pas prendre corps pour faire n'importe bagaille. Donc ça veut dire, si on prend l'offrir là, c'est n'importe qui bagaille. Pas bailler aux filles n'importe qui bagaille. Bailler quelque chose de valeur. Jeune fille, n'offrez pas à un jeune garçon qu'on remet, qui parle le mari ou, pas bal n'importe qui bagaille. Ton corps, ta vie, ton intelligence, tout ton être, ta vie, c'est quelque chose que bon Dieu dit qui gagne du prix à ses yeux. Donc, sans pas le bail dans le mariage ou à qui, plus important, c'est tout ou même. Alors, pas bail n'importe qui bagaille dans le mariage là. Pas bail n'importe qui bagaille dans le mariage là. Songez dans la Bible, texte là dit moi, gardez toujours le bon vin pour la fin. De yoa, yo bail vin, hein? Tout le monde passe, yo prend vin. Tout le monde sous, yo prend bon vin. Ensuite, sacrété, c'est clairement Mazda. Clairement Mazia, donc tout le monde a besoin de ça, mais bon, on est à poil, tout le monde sous dans bon. Mais dans le temps Jésus, il dit, mais ce n'est pas possible. Généralement, yo bay bon vin avant. Mais voilà que ou même ou quitte bon an pour la fin. Et c'est ça Jésus dit nous là à soya, mes jeunes filles. Gardez toujours le bon vin pour la fin. Toujours. Toujours le bon vin pour la fin. Et si vous faites ça, vous gardez bon vin pour la fin. Alors, Mabdo, ça va le passer pour vous. Mon dernier petit verset dans Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20, verset 21. Oh, Proverbe 20-21 dit, yon héritage, donc abgétan l'il non assoya, l'an matonin sou sa, bon fini la vite, yon héritage que ou prend avant l'œil, l'abgaté la mèo. À la fin, l'vin tout non malédiction pour. Alors, gardons frères et sœurs, jeunes gens, jeunes filles, gardons toujours le bon vin pour la fin. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen.